An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1821, partout en Europe, il n'est question que d'une révolution, celle des Grecs qui luttent pour leur indépendance face à l'Empire ottoman. En Grèce, adieu vous tous, il faut partir. Qu'enfin, après le sang de ce peuple martyr, le sang vil des bourreaux ruisselle. En Grèce, ô mes amis, vengeance, liberté, ce turban sur mon front, ce sabre à mon côté, allons, ce cheval que l'on selle. En 1829, Victor Hugo trouve le mot parfait pour intituler son poème « Enthousiasme ». Oui, il est question d'enthousiasme lorsque l'on évoque la lutte des Grecs pour leur indépendance. Hervé Mazurel, bonjour. Bonjour. Vous avez ici, je le vois devant vous, un ouvrage intitulé « Vertige de la guerre ». Ce vertige prend un S. Ce travail tourne autour d'un personnage extraordinaire qui est Byron. Nous parlons de Byron, nous parlons de la lutte des Grecs pour leur indépendance. En quoi Byron est un personnage essentiel dès qu'il est question de cet enthousiasme qu'a provoqué la lutte des Grecs pour leur indépendance ? Bah, d'une certaine manière, on pourrait dire que tout commence avec Byron et il revient au sens où Byron est devenu un écrivain particulièrement célèbre autour de 1812 quand il a publié un récit de voyage crypté qui s'appelle Le Pèlerinage de Childe Harold, dans lequel il racontait justement son premier voyage en Orient. C'était un grand tour qui a été détourné en quelque sorte parce que l'Italie était occupée et qu'il l'a mené jusqu'en Épire d'abord, puis en Grèce même, puis de l'autre côté de l'Hellespont qu'il a traversé à la nage. Donc une espèce de voyage en Orient et dans lequel il a donné à connaître la Grèce contemporaine. Hein, c'est pas seulement la Grèce classique ancienne, mais a donné à connaître la Grèce contemporaine au public européen et a invité aussi dans des livres ultérieurs qui s'appellent les Contes orientaux, qui ont eu aussi un succès phénoménal 1813-1814, notamment le Djaour. Hein, il a invité les Grecs modernes à retrouver l'élan de leurs antécédents, de leur père. Hein, on les croyait les descendants des Hellènes, à retrouver le feu sacré de la liberté et donc à se lever contre la présence ottomane, une présence pluriséculaire, 4 siècles de domination ottomane. Et puis Byron, des années plus tard, s'engagera en Grèce, rejoindra la Grèce en 1823 et va y mourir en mois d'avril, le 19 avril 1824, ce qui va boucler la boucle en quelque sorte. Il va en quelque sorte réconcilier l'homme et l'œuvre, si j'ose dire. Vertige de la guerre, Byron, les Philhellènes et le mirage grec. C'est votre ouvrage, Hervé Mazurel, publié aux Belles Lettres et puis qui va bientôt ressortir, comme on dit, mais agrémenté d'une nouvelle préface, d'une édition revue à la découverte, avec tout ce qui nous intéresse aujourd'hui autour de cette indépendance de la Grèce en 1821. Le bicentenaire, c'est son écho dans toute l'Europe. Avec nous également, Anne Couder, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine des relations internationales à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne, et vous avez participé à l'élaboration d'une exposition formidable, La Grèce par amour. Déjà, le titre est top. La Grèce par amour, c'est une exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France et de Retro News, le site de la presse de la Bibliothèque nationale de France. Ce moment grec des années 1820 est un moment très important parce qu'il concentre plein d'interrogations des contemporains. Il y a du romantisme, il y a la quête des nationalités. C'est un moment vraiment essentiel. Oui, c'est un moment essentiel, je pense, parce que la révolution grecque a donné à terme, mais pas d'une façon véritablement linéaire ni immédiate, naissance au premier État-nation reconnu indépendant, mais seulement en 1830, issu donc d'un soulèvement après 1815 et donc après les restaurations en Europe. Donc de ce point de vue-là, C'est d'histoire des Grecs et de la Grèce qu'il s'agit, mais aussi d'une gigantesque histoire de l'Europe des nationalités qui doit être sans doute interrogée et étudiée à l'échelle de tout le XIXe siècle. En effet, c'est l'histoire d'une fabrication, c'est l'histoire d'une création nationale avec tous ses méandres et avec aussi un nombre très important d'interactions entre ceux qui se sont soulevés et puis l'Europe, puisque vous dites l'Europe, peut-être l'Europe et les Européens, parce que l'Europe, elle n'est pas d'un bloc. C'est l'Europe des peuples dont Hervé Mazurel vient de parler, mais c'est aussi l'Europe des gouvernements qui finalement aura le dernier mot, mais qui n'est pas du tout aussi enthousiasmée que ce qu'on dit. C'est l'histoire d'une fabrication, c'est l'histoire d'une création nationale. On sait très bien que les nations, l'idée nationale se forme à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et Hervé Mazurel nous a donné déjà une piste, c'est qu'il a utilisé le mot grec et puis il a aussi utilisé le mot Hélène. Le mot grec, c'est un mot qui est surtout employé par l'Europe, mais dans l'Empire ottoman, les Grecs qui ne sont pas véritablement dominés par l'Empire ottoman, mais qui font partie de l'Empire ottoman, s'appellent Roum, ce qui renvoie à leur passé byzantin et chrétien, en fait. Et à partir du moment où l'idée nationale commence à se former à partir de la fin du XVIIIe siècle, alors certains penseurs de la nation commencent à décider, après de grands débats, que ceux qui prendront en main leur destin politique s'appelleront Hélène pour revendiquer une filiation qui n'est pas une filiation généalogique, mais une filiation intellectuelle et politique avec ces Grecs de l'Antiquité qui ont construit l'idée de démocratie. Et donc, en fait, il y a une tension entre ce qu'affirme une révolution en 1821 et une affirmation de l'indépendance grecque par les Grecs, par les Hélènes soulevés dès 1822, et une Europe des restaurations qui n'entend pas, dans un contexte d'ailleurs de révolution européenne en Italie, en Espagne, au Portugal, qui n'entend pas du tout reconnaître un mouvement issu d'une révolution. Donc c'est une affaire complexe qui aura une répercussion sur la définition, me semble-t-il, la définition même des Grecs, mais aussi sans doute sur la façon dont la question nationale est posée dans toute l'Europe pendant tout le XIXe siècle. Je vous remercie vivement, Anne Couder, d'avoir mis en place ces éléments de réflexion. Nous parlons de ce bicentenaire de la lutte des Grecs pour leur indépendance, avec une phrase un peu simple, que l'on peut dire très linéaire. Les Grecs luttent, l'Europe soutient les Grecs, et il y a l'indépendance. Et vous nous montrez bien, et c'est ça qui est formidable, c'est combien il y a plein de facettes à étudier dans ce mouvement, avec autour du mot Europe, de la complexité. Tous les gouvernements européens ne sont pas vraiment d'accord pour ce mouvement. Et puis cette notion de peuple qui est formidable, avec un regard apporté sur le temps très long. Écoutons l'ambassadeur de Grèce à Paris. Mais l'ambassadeur en 1947, il s'appelle Raphaël Raphaël. Je pense que rien ne saurait exprimer mieux l'esprit, le caractère et l'attitude morale de la Grèce que le mot résistance. Depuis près de 3 millénaires, le peuple grec fait de la résistance. Fixé sur un rocher aride, le peuple grec résiste à la pauvreté. Sa vie est une lutte quotidienne, âpre, dure sans merci. Mais il se survit, il résiste. Situé au carrefour de grands courants historiques, la Grèce résiste aux invasions les plus mortelles. Marathon, Thermopyles, Salamis, Platée, Chéronée. Puis vient Byzance, son apogée et sa chute. Succèdent 4 siècles d'esclavage sous le joug turc et la guerre d'indépendance de 1821 qui dura 7 ans. Une résistance qui dure pendant plus de 2500 ans et qui est jalonnée de victoires et de défaites. Mais comme disait Demosthène, il y a 2 défaites qui valent mieux que 2 victoires. En effet, résister sans espoir, c'est 2 fois résister. L'ambassadeur de Grèce à Paris qui s'exprimait en 1947 avec cette très longue histoire de la Grèce et une relecture, évidemment, toute histoire est une relecture. Avec nous dans le cours de l'histoire, Anne-Laure Brisac-Schreiby, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, chargée des collections des imprimés grecs modernes du département littérature et art. Et justement, dans les collections que vous conservez, une place essentielle pour la Grèce avec cette fascination grecque qui ne date pas évidemment du 19e siècle, qui se construit et puis qui est essentielle pour comprendre le 18e siècle. Non seulement une fascination qui remonte bien au-delà du 19e, mais qui se prolonge aussi, et c'est durant tout le 19e, ensuite au 20e siècle, et le son que vous venez de nous passer est très émouvant, parce que c'est 47, c'est bien ça, hein, la date oui, que vous avez donnée, on est en pleine guerre civile en Grèce. Et comment dire, quelques années plus tôt, l'Institut français avait contribué à sauver quelques dizaines, voire centaines de jeunes Grecs résistants en grand danger et à les faire venir en France, leur obtenant des bourses pour échapper à une mort certaine. Et si je dis ça, c'est que cela s'inscrit dans une tradition des relations amicales, intellectuelles, d'entraide politique entre la Grèce et la France, et l'exposition que vous avez évoquée. Donc la Bibliothèque nationale a organisé avec l'ambassade de France en Grèce et l'Institut français. Elle s'inscrit exactement dans cette tradition-là de philhellénisme typiquement français, mais également européen, comme l'ont dit Anne Couder et Hervé Mazurel. C'est une exposition bilingue. Voilà, mais c'est une très belle exposition, une exposition virtuelle, il faut le dire. Il suffit d'aller sur Internet. La Grèce par amour, 1821-2021, la Bibliothèque nationale de France. Avec ces mots qui reviennent sans cesse et qu'il faut sans doute définir, Hervé Mazurel. Alors, donc, Hélénie, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la grecque, d'accord, mais Ornette et Philhellène. Ouh là là, quel est ce vocabulaire? Alors, le mouvement Philhellène, c'est un mouvement de soutien progrès qui s'est épanoui au préalable, mais surtout durant la guerre d'indépendance grecque, donc qui dure de 1821 à 1830. Hein, c'est un espèce de mouvement d'enthousiasme, vous avez dit tout à l'heure en parlant d'Hugo, mais aussi de compassion, de solidarité avec la lutte des Grecs, qui va toucher une grande partie de l'Europe, et même outre-Atlantique également. Des comités philhellènes se déploient dans toutes les villes moyennes et grandes, de New York à Saint-Pétersbourg, en allant de Stockholm à Lisbonne. Hein, c'est très impressionnant, et donc des mobilisations qui prennent des formes très variées, un espèce d'élan philanthropique. On envoie aux Grecs des armes, des volontaires, de la poudre, mais aussi de la nourriture, du matériel de première nécessité, des projets de constitution, des projets éducatifs. Voilà, une espèce de mobilisation philanthropique gigantesque, et qui même si elle a des temps forts et des temps faibles, mais quand même qui va perdurer quasiment pendant 10 ans. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler les philhellènes de l'arrière qui se mobilisent ainsi, et puis les philhellènes de l'avant, si j'ose dire, qui sont les volontaires philhellènes eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas un énorme groupe, hein, c'est 1200 hommes à peu près au total qui vont, aller se battre auprès des Grecs. Et comme vous l'avez vu, des Grecs, c'est très compliqué, hein, auprès des Maniotes, des Souliotes, des Moréotes, voilà, une Grèce qui est pas du tout unifiée, qui est d'ailleurs en guerre civile à l'intérieur même de la guerre elle-même, hein, mais qui vont aller se battre, hein, pour certains idéaux, pour régénérer la Grèce moderne, pour dans une espèce de rapport de dette à la Grèce ancienne, mais aussi parfois poussé par un élan de croisade, par le combat pour la liberté. Hein. La liberté à l'époque, c'est un mot sacré qui a une charge de sacralité très forte. Hein. C'est le combat libéral. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où les libéraux peuvent combattre, mais en Grèce, c'est encore possible à ce moment-là. Hein, donc voilà, il se projette à travers tous ces motifs, en quelque sorte, hein, dans le combat des Grecs. Hein, c'est du coup, si on regarde la guerre gréco-turque à travers le prisme philhellène, hein, c'est un prisme très déformant finalement, hein. C'était la manière dont les opinions ont lu, capté, transfiguré l'événement gréco-turc, hein, et à travers des projections qui sont pour partie fantasmatiques. Hein, on pourra peut-être y revenir. Mais voilà, le philhellénisme, c'est ce mouvement d'élan, de sympathie et de soutien pro-grec. Un mouvement complexe où se croise beaucoup de ce qui a pu inspirer les peuples de l'Europe depuis des décennies. Et évidemment, au moment de chercher le pourquoi de ce soulèvement grec, eh bien, il y a cette quête d'inspiration qui nous conduit à la Révolution française. La Carmagnole dans une adaptation grecque exécutée par les élèves du gymnase expérimental de Palini. Nous sommes dans l'Attique et dans ce gymnase expérimental, il y a de la Carmagnole en grec parce que l'inspiration des idéaux de la Révolution française nous aide à comprendre pourquoi en 1821 les Grecs se soulèvent. Anne Couder, malgré tout, le temps a passé. Que nous dit le contexte pour comprendre qu'en 1821 les Grecs se soulèvent ? Alors, les Grecs se soulèvent en 1821, en fait, mais la révolution est pensée, conçue, réfléchie depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle a été portée par un certain nombre de grands savants grecs ou même de bourgeois grecs. J'en citerai deux. L'un originaire de Smyrne, établi à Paris, qui a vécu la Révolution française à Paris, qui s'appelle Adamante Korai ou Adamantios Korais. Et puis, par ailleurs, une personnalité extrêmement importante qui s'appelle Rigas Phéréos, qui est né dans l'actuel territoire grec, mais à l'époque c'était l'Empire ottoman, qui a fait ses études à Constantinople, qui était fils de marchand, qui faisait partie de cette bourgeoisie qui était porteuse d'idées libérales, et les marchands contribuaient à faire passer sous le manteau un certain nombre de livres. Lui-même avait un atelier typographique clandestin à Vienne, et il a traduit une partie de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour éduquer politiquement les Grecs. En grec, il a fait cette traduction. Il a aussi traduit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en grec, mais pas de façon littérale, pour l'adapter à la réalité ottomane, donnant d'ailleurs reconnaissant beaucoup de droits aux femmes aussi, qu'il n'a pas oublié dans sa déclaration. Et il a été pris par les Autrichiens, livré aux autorités ottomanes et exécuté comme révolutionnaire en fait en 1798. Mais certains de ses héritiers ont créé une société secrète qui s'appelle la Société des Amis, Philiki Eteria, qui a été fondée à Odessa, où il y avait une communauté grecque, et qui a contribué à entretenir l'idée de la révolution. Et c'est cette société secrète, affiliée au carbonarisme, hein, le libéral, qui avait des relations avec tous ces libéraux qui, au début des années 1820, se soulèvent, et qui planifient de soulever, en fait, pas vraiment les Grecs qui parlent grec, puisque dans l'Empire ottoman, ce qui compte, c'est l'appartenance religieuse, en fait, beaucoup plus que la langue. La langue grecque, de toute façon, est une langue qui permet à toutes les populations de communiquer entre elles à l'intérieur de l'Empire ottoman, et qui planifie, en fait, de soulever des populations en Turquie d'Europe, c'est-à-dire dans la partie européenne de l'Europe, la partie européenne de l'Empire ottoman, et qui planifie donc et qui entame des révolte à la fois dans les principautés danubiennes au nord, Moldavie et Valachie, l'actuelle Roumanie, et puis dans le sud, dans le Péloponnèse. Mais ça me permet de sans doute relever un élément, c'est justement pour lier ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que cette société secrète élabore un projet qui est vraiment centré sur l'héritage politique de la Révolution française, et cela se sent beaucoup dans les premières années, enfin dans les premiers actes de la Révolution grecque, puisque les Grecs proclament leur indépendance et établissent des constitutions qui sont extrêmement proches dans leurs énoncés et dans leur contenu de la Révolution française, de la Constitution française de 1791, et qui établit une république, une démocratie anglaise. Voilà, parce que 1821, les Grecs luttent pour leur indépendance, nous en fêtons le bicentenaire, mais 1821, c'est également le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et l'épisode napoléonien est vraiment un moment très particulier pour saisir combien les peuples prennent conscience d'eux-mêmes. C'est dans ce monde-là, Hervé Mazurel, que se construit l'imaginaire d'un homme comme Byron, où la notion de peuple veut dire quelque chose. Et vous nous avez cité son voyage à travers l'Europe, il va voir ce qui se passe en Europe. Oui, c'était enfin au départ, Byron qui voulait faire une sorte de grand tour, ce que les élites en Britannique notamment faisaient, c'est-à-dire on allait au contact normalement à la fin de ses études au contact de ce qu'on avait appris de son éducation classique devait se parfaire au contact des antiquités vivantes, enfin des ruines notamment en Italie, hein, et puis du coup il est obligé de faire un nouveau parcours, je vous le disais tout à l'heure, à travers la Méditerranée orientale, et du coup il lui quitte le vieux modèle du voyage classique justement du voyage du Grand Tour, pour s'ouvrir à la rencontre, à la découverte des peuples locaux, et en particulier de ceux qu'on appellera les Grecs. Hein, et ce qui va l'intéresser de plus en plus, c'est les mœurs, la vie des populations autochtones sur place, et il les fait connaître, hein, notamment grâce à ce fameux poème, Le Pèlerinage de Childe Harold. Hein, et donc, il sera très engagé aussi, en effet, dans la défense de cet idéal libéral et national à l'époque. Hein, il va aussi lutter du côté à côté des Carbonari italiens, avant de partir en Grèce plus tard, hein, mais du coup il va devenir un peu aussi cette sorte de héros des peuples, hein, il y a à ce moment-là en effet une espèce des liens souterrains qui existent entre la société des amis dont Anne Couder parlait à l'instant, mais aussi les carbonaristes italiens, la charbonnerie française, un certain nombre de leaders de la charbonnerie française, notamment le colonel Favier partira en Grèce, les décembristes russes, la Burschenschaft en Allemagne, ce sont des sociétés secrètes libérales et parfois républicaine aussi, hein, où tous ces gens se mêlent et combattent sur l'un ou l'autre des théâtres. Hein, en Italie aussi, il y a une révolte au Piémont, il y a une révolte en Espagne. Hein, ces gens se côtoient et vont lutter là où c'est possible pour essayer de faire tomber l'Europe de Metternich, hein, qui est justement construite contre les peuples. Hein. L'Europe du Congrès de Vienne qui met fin à cet épisode napoléonien en redessinant la carte de l'Europe et en oubliant un tantinet les peuples, d'où tous ces mouvements, Hervé Mazurel, que vous évoquez. Et ces mouvements qui conduisent à une révolution en Grèce. France Culture. Histoire, Xavier Mauduit. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Somaya Dabesh et Élise Le dansent avec Zorba, la danse de Zorba. Somaya qui réalise l'émission et Élise qui est aujourd'hui à la technique. Et nous allons de plus en plus vite avec la danse de Zorba. Pour éviter ce bicentenaire du début de la lutte des Grecs pour leur indépendance, dites-nous Anne-Laure Brisac-Schreiby. Dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, au moment de construire cette superbe exposition consacrée à la Grèce par amour 1821-2021, vous avez mais pléthore de documents qui évoquent l'intérêt que les Européens, et alors là le mot faudrait encore le définir, que les Européens portent à la Grèce. Pléthore de documents de l'époque, bien entendu, de toute nature, de tout format. Et c'est ce que l'équipe d'Étienne Manchette, qui est à l'œuvre pour cette exposition, a voulu réunir, aussi bien des brochures qui paraissent à Paris et dans toute l'Europe. Étienne Manchette, hein, de Retro News, le site de la presse de la Bibliothèque nationale. Anne-Laure Brisac-Schreiby, votre voix s'est perdue dans les tréfonds de la Bibliothèque nationale. On va vous retrouver. Mais justement, dans cette évocation du bicentenaire de la lutte des Grecs pour leur indépendance, Anne Couder, il y a ce mouvement et que je trouve absolument passionnant qui montre qu'une idée de liberté, une idée d'union des peuples peut dépasser la volonté de réorganiser l'Europe en 1815 lors du congrès de Vienne. Il y a vraiment toute une construction intellectuelle et sans doute le mot qu'il faut apporter ici est celui d'espoir. Il est possible de changer les choses pour tous ces gens-là. Ah, mais c'est, en fait, je pense que c'est ça qui est extraordinaire quand on étudie dans son ensemble la décennie 1820 en Europe. Je pense que un des écueils pour cette histoire-là serait d'étudier, pour un historien, la révolution grecque en elle-même. Vous voyez qu'on a beaucoup parlé de la France, de l'Espagne, de l'Italie, il y a aussi le Portugal. Et en fait, petit à petit, les autres révolutions sont écrasées par cette Europe du Congrès de Vienne. L'Autriche écrase les révolutions qui ont lieu libérales qui ont lieu en Italie, mais la France, donc dont le ministre des Affaires étrangères est Chateaubriand, part écraser la révolution d'Espagne pour rétablir dans son pouvoir absolu Ferdinand VII de Bourbon. Et finalement, toute une internationale libérale converge vers la Grèce, que ce soit en tant que volontaire, mais aussi comme force en fait de persuasion à l'intérieur de chacun des États. Et donc, il faut se représenter que le philhellénisme, c'est un mouvement certes qui a œuvré en faveur des Grecs, mais c'est aussi progressivement devenu une force de contestation libérale à l'intérieur des États. Et c'est finalement ça qui va conduire les États, les gouvernements, à se dire qu'ils ne peuvent plus attendre que l'Empire ottoman se débrouille tout seul pour pacifier la Grèce. On dit les affaires de Grèce parce qu'on ne peut pas reconnaître un statut de belligérant et donc d'État aux Grecs. Alors que jusque-là, alors il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman, il est complètement intégré dans le système international. C'est un partenaire juridiquement complètement reconnu par des traités, qui a des relations commerciales et des relations diplomatiques avec tous les États européens. C'est un véritable État qui a sa place dans l'Europe et dans les relations internationales. Et les grandes puissances, en fait, vont intervenir à partir de 1827. C'est une date extrêmement importante. C'est le traité de Londres du 6 juillet 1827, à l'occasion duquel des grandes puissances, France, Grande-Bretagne, Russie, qui représentent l'ensemble du concert européen, décident de proposer, et en fait elles vont imposer, leur médiation aux parties en conflit, c'est-à-dire les Grecs et l'Empire ottoman. Mais c'est là qu'il faut vraiment rétablir les perspectives. À l'origine, elles cherchent à proposer un compromis et il faut se demander ce que c'est que ce compromis. Elles n'interviennent pas en faveur des Grecs. Elles cherchent à maintenir ce statu quo qui a été défini à Vienne et en particulier, elles demandent que finalement, elles ne veulent pas toucher à l'intégrité de l'Empire ottoman et elle propose que soit reconnu un territoire autonome à l'intérieur de l'Empire ottoman dans lequel les Grecs seraient regroupés mais resteraient vassaux du sultan. Donc il pouvait parfaitement y avoir des philhellènes parmi éventuellement les diplomates qui ont pris ces décisions, mais la décision prise n'était pas à l'origine, la fin en soi n'était pas la liberté des Grecs. Ça n'a été décidé que plus tard, en 1830. L'historien, à l'inverse de l'acteur politique comme le diplomate Raphaël, qui commémorait en 1947, l'historien doit être attentif à la chronologie parce que ça lui permet sans doute de mieux comprendre comment l'Europe s'est construite dans cette période-là, l'Europe des peuples et comment est-ce qu'elle s'est imposée finalement et dans quelles conditions. Parce qu'il y a eu, je pense, des répercussions sur la définition même de qui est grec à la fin de toute cette période. Et en effet, la chronologie est la base en fait de cette réflexion de ce qui nous intéresse sur ce bicentenaire, au sens où le mouvement de libération est populaire. Il est populaire, il est soutenu par ces sociétés secrètes. Et c'est dans un second temps que les gouvernements vont prendre en main cette histoire, ces affaires grecques. C'est une affaire portée à la base par des individus. Par exemple, Byron. Pourquoi s'est-il rendu en Grèce ? Comme je suis venu ici pour me joindre non à une faction, mais à une nation, pour agir avec des gens honnêtes et non des spéculateurs ou des escrocs. Chaque jour, les Grecs brandissent des accusations les uns contre les autres. Il me faudra beaucoup de circonspection pour éviter d'être considéré comme un partisan. Quiconque vient en Grèce en ce moment devrait faire comme Miss Fry allant à Newgate, sans penser trouver un quelconque signe de probité, mais dans l'espoir que le temps et des meilleurs traitements feront disparaître les tendances au larcin et au banditisme qu'ils ont manifesté depuis la fin de l'emprisonnement général. Tatiana Werner qui lisait dans le cours de l'histoire une lettre de Byron. Hervé Mazurel, très intéressant Byron dans son engagement auprès des Grecs. Byron, personnage complexe aussi, souvent affublé de l'étiquette de romantique, poète romantique, beaucoup plus compliqué que cela. Pourquoi s'engage-t-il auprès des Grecs? S'engage-t-il alors en politique? Peut-être pas vraiment en politique. C'est un personnage très complexe, en effet, vous avez plein de contrastes extrêmes. Pour faire un portrait rapide, c'est quelqu'un qui est né au départ dans la pauvreté, d'un père qui a ruiné la famille, qui était joueur. Il a été élevé par sa mère à Édimbourg avec peu. Et puis tout d'un coup, il hérite à l'âge de 10 ans d'un domaine gigantesque. Il rêvait d'être de grands discours à la Chambre des Lords, qu'il fera notamment au moment de la révolte des Ludites en 1812. Et puis il fait ce grand voyage en Grèce. Et puis son retour, il devient très célèbre comme écrivain, hein, vraiment l'un des plus célèbres écrivains de l'époque romantique. Hein. D'une certaine manière, Byron, c'est le romantisme fait homme. Mais en même temps, il y a un parfum de scandale autour de lui. Hein. C'est un personnage qui est ténébreux, qui est sulfureux, qui a, semble-t-il, eu une relation incestueuse avec sa demi-sœur. Et donc, qui est obligé de quitter l'Angleterre. Il va ensuite pérégriner en Suisse, puis en Italie, où il fera la rencontre de Shelley, dont il deviendra un intime, et de Marie Shelley. Ils vont écrire ensemble Frankenstein. Ah, et puis, et en même temps, à un moment, il est épuisé par cette vie. Il boit en quelque sorte toute la coupe de la vie. Hein. Il est presque las de vivre. Et il a besoin de donner sens à nouveau à son parcours, à son existence, et il est poussé un peu à partir en Grèce. C'est-à-dire que les premiers volontaires qui sont partis, avant même qu'il arrive, étaient considérés comme des Byroniens. Hein, entre 1821 et 1823, avant même qu'il arrive, on voyait dans ce mouvement de volontariat une aventure byronienne. Donc lui-même s'est laissé prendre un peu au jeu, mais il a hésité longtemps, il était très indécis avant de partir, et finalement... pour redonner un peu, en quelque sorte, sens à son existence et puis relier à ce voyage qu'il avait tant marqué de jeunesse et se s'adonner finalement à cette œuvre de libération des Grecs dans laquelle il a engagé des sommes considérables. Il a soutenu financièrement la révolte des Grecs de façon très très impressionnante. Sur place, néanmoins, il n'aura pas le temps de combattre. D'abord, il va hésiter longtemps, il va rester à Céphalonie, dans la petite île, une petite île ionienne, pendant 6 mois, parce qu'il ne saura pas auprès de qui s'engager. On entendait un extrait qui racontait toutes les factions, etc. Et puis, il va être ensuite ami selon Guy, mais là, il ne pourra pas combattre. Il y avait un siège de Lépante qui était prévu. Lépante, c'est pas n'importe. c'est un nom historique. Et finalement, il va mourir de malaria, une malaria contractée dans une zone de marais, ami selon Guy, sans avoir combattu. Et pourtant, il recevra un hommage funèbre comme s'il avait été mort au champ d'honneur. Les Grecs lui feront une cérémonie militaire. Et il va rester pour les peintres, les artistes, les écrivains romantiques, comme quelqu'un qui a sacrifié sa vie en combattant auprès des Grecs. Ce qui, en réalité, il n'a pas fait concrètement. C'est-à-dire au sens où il n'a participé à aucun combat. Il a donné énormément d'argent, il s'est énormément investi. Hervé Mazurel, effectivement, vous, biographe de Byron, Vertige de la guerre, Byron, les Philhellènes et le mirage grec, vous saisissez combien sa démarche est là pour donner un sens à sa vie, disons-le. Mais il n'arrive pas en Grèce en disant « je veux donner un sens à ma vie ». Non. Il utilise d'autres arguments. Bien sûr. Qu'est-ce qui le porte, en fait? C'est libérer les peuples de l'oppression? Oui, il y a vraiment chez lui, c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure, l'idéal de liberté, avec un grand L, avec un L majuscule. La liberté, c'est un mot qui lui est très cher. Et il est là dans tous ses combats, auprès des Ludites, auprès des Carbonari italiens, auprès des Grecs. Il a participé, vous voyez, ce qui a poussé les volontaires vers l'engagement en Grèce. Il y a plein de choses. Il y a l'idée de, je vous le disais, disais tout à l'heure, d'une reconquête du berceau de l'Occident, de régénérer les Grecs modernes, une idée que Byron a portée au début. Il y a aussi une dynamique de croisade qui est moins présente chez lui, mais il y a plein de gens qui s'en vont en lisant L'Ivanhoé de Walter Scott, hein, qui est le grand succès de l'époque, 1819. Certains partent avec tous les volumes de Walter Scott sur place, certains partent même avec des croix croisées sur leurs vêtements, hein, notamment des volontaires allemands. Il y a donc le combat pour la liberté, quelque chose aussi qui relève de la philanthropie, de l'humanitarisme naissant, hein, c'est un peu la naissance de l'humanitarisme à ce moment-là. Donc il y a une dimension de secours, hein, au sens le plus fort du terme, hein, des populations civiles, notamment grecques. Hein. Donc il y a tout ça qui se mêle dans le départ de ces philhellènes en Grèce, et puis quelque chose que j'ai mis au centre du livre aussi, un goût pour la guerre. Un goût pour la guerre lointaine, pour la guerre et le voyage. La guerre comme voyage, comme expérience lointaine, exotique, mystérieuse. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire un tout bref passage. Allez-y, justement, qui est très fort chez Byron. Il écrit ceci au retour de son premier voyage. Le grand objet de la vie est la sensation. Sentir que nous existons, fût-ce dans la douleur, c'est ce vide important qui nous pousse au jeu, à la guerre, au voyage, à des actions quelconques mais fortement senties et dont le charme principal est l'agitation qui en est inséparable. Hein, le jeu, la guerre, le voyage, c'est ce qu'il est venu chercher, cette agitation hein, qui lui manquait, c'est ce qu'il est venu chercher aussi. En fait. Il y a une dimension existentielle hein, dans son engagement, mais il y a aussi des motifs politiques, je venais de le dire. Et puis, avec Byron, nous avons un personnage qui est... une véritable vedette, Anne-Laure Brisac-Schreiby. Nous vous avons retrouvé, vous êtes revenu des couloirs des tréfonds de la Bibliothèque nationale de France. Au moment de construire une exposition comme celle que vous proposez hein, avec l'Institut français et puis avec l'ambassade de France en grec, cette exposition La Grèce par amour nécessite des documents. Parfois, pour faire une exposition, c'est dur hein, de trouver les documents. Bah, là, c'est plutôt l'inverse. Il y a mais, tout ce qu'il faut en documents et Byron est vraiment présent. Mais comment vous dire, presque trop, au sens où, non pas dans l'expo, hein, mais dans l'imaginaire des contemporains. On donne à Byron mais une image, presque un pouvoir qui dépasse ce que peut faire un simple mortel. Tout à fait, et du coup, nous avons souhaité donner la parole, ou plutôt représenter d'autres figures, à côté de ces grandes figures héroïques et légitimement très présente dans l'imaginaire et dans l'historiographie, nous avons souhaité, dans cette exposition, donner la parole à d'autres figures invisibles ou moins visibles. Je pense, par exemple, à un personnage assez exceptionnel comme le comte di Santa Rosa, qui est un Italien, qui s'engage dans les combats dans le Piémont en 1821. La révolte est matée, il échoue, il doit fuir et il finira après une circulation en Europe, en Angleterre, en France où il se lie avec Victor Cousin, il va finir par s'engager en Grèce pour le même motif, pour ce qui le meut profondément, qui est l'amour de la liberté. Et il va y trouver la mort de façon tragique. Donc il y a une dimension vraiment héroïque de ce personnage beaucoup moins connu que Byron, mais qui rejoint les motivations hein, de Byron, bien entendu. Oui. Hervé Mazurel, vous êtes l'auteur de Caspar l'Obscur ou L'Enfant de la Nuit. Hein. Vous étiez venu dans le cours de l'histoire pour nous en parler. C'est à réécouter sur le site franceculture.fr et l'appli Radio France. Caspar l'Obscur, donc l'enfant sauvage, celui dont on ne sait rien mais qui devient une vedette. Byron est omniprésent dans la pensée des contemporains. Il faut rappeler, nous fêtons aujourd'hui le bicentenaire, l'année 2021, pour les 200 ans de cette année 1821. Mais les affaires grecques durent longtemps, c'est sur plus d'une dizaine d'années. Et Byron est omniprésent, c'est une référence. Oui, alors ce qui est assez intéressant avec Caspar Hauser, vous l'évoquiez à l'instant, hein, c'est que quand Caspar Hauser a surgi à Nuremberg le 26 mai 1828, la première question qu'on lui a posée, à cet étranger qui venait d'ailleurs, c'est on lui a demandé des nouvelles de la guerre russo-turque et plus largement de la guerre gréco-turque qui était en train de se passer en même temps, à la même époque. Et l'un des grands protecteurs de Caspar Hauser, c'est un compagnon de Byron, le comte Stanhope, qui rentrait justement de Grèce. Hein, ces deux affaires qui sont finalement quelque peu mêlées. Hein, voilà. Mais Byron, il écrase tout ce moment-là. Hein, sa mort va d'abord émouvoir toute l'Europe, hein, et son mythe va être envahissant, très envahissant, parce qu'en réalité, par exemple, il masque totalement l'expérience assez désastreuse des volontaires sur le théâtre des opérations. Hein. Les volontaires philhellènes ont connu une expérience la plupart du temps très déceptive. Hein. Ils sont rentrés amers, désenchantés. Ils n'ont pas rencontré la Grèce qu'ils imaginaient, ni la guerre belle et glorieuse auxquelles ils aspiraient, mais une guerre de guérilla avec des pratiques, en effet, de violence, souvent d'atrocités assez extrêmes, parce que c'est une guerre religieuse qui ajoute son surcroît de guerre à la guerre. Les Grecs et les Turcs se sont adonnés à des massacres très nombreux, ils faisaient des trophées de guerre à l'entrée des villes, etc. C'est une guerre très, très, une guerre sans merci, une guerre d'extermination. C'est le mot même de Maurice Persa, hein, qui était une sorte de qui est un ancien vétéran des guerres napoléoniennes, qui en avait vu pourtant, hein, qui considérait que cette guerre avait dépassé tous les seuils de violence qu'il avait connus. Ah, et donc Byron écrase littéralement cette expérience-là, et un mythe au long cours va se mettre en place, le mythe Philhellène. Philhellène vont laisser une trace longue, par exemple ceux des brigades internationales pendant la guerre civile espagnole se revendiqueront de cet héritage des Philhellènes et de Byron, alors même que l'expérience de ces Philhellènes, elle est désillusionnés, désenchantés, et que leur efficacité sur le terrain auprès du combat des Grecs a été très minime en réalité. Hein. Vous voyez comme quoi Byron a littéralement tout écrasé, hein, en quelque sorte. Il a tout écrasé, ouais. Il est présent partout, même dans les poèmes, ceux de Lamartine. Toi, dont le monde encore ignore le vrai nom, esprit mystérieux, mortel, ange ou démon, qui que tu sois, Byron, bon ou fatal génie, j'aime de tes concerts la sauvage harmonie. Comme j'aime le bruit de la foudre et des vents se mêlant dans l'orage à la voix des torrents. La nuit est ton séjour, l'horreur est ton domaine, l'aigle roi des déserts dédaigne ainsi la plaine. Il ne veut, comme toi, que des rocs escarpés, que l'hiver a blanchi, que la foudre a frappé, des rivages couverts des débris du naufrage ou des champs tout noircis, des restes du carnage. Τώρα τα πουλιά τώρα τα χέλη ειδόνια το Tatiana Werner nous a lu un extrait de L'Homme, le poème d'Alphonse de Lamartine. Byron est toujours vivant hein, quand Lamartine écrit ce poème. Anne Couder, nous jouons beaucoup sur la chronologie. Historienne que vous êtes extrêmement sensible à la chronologie. Cette histoire de l'indépendance grecque est une histoire qui s'écrit sur le temps long. 1821, très bien pour le début de l'indépendance. Nous avons saisi que voilà, bien avant que les Grecs réfléchissent à cette question-là. Et c'est une histoire qui dure longtemps. À quel moment les Grecs obtiennent leur indépendance ? Alors, donc, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que une nation existe à partir du moment où elle dit qu'elle est, et ne jamais oublier que les Grecs ont proclamé leur indépendance en 1822 et qu'ils se sont ensuite battus pour faire reconnaître leur indépendance. Donc ça, c'est quelque chose qui leur appartient il faut absolument considérer qu'effectivement l'indépendance grecque de la nation grecque, eh bien, elle existe à partir du moment que la nation grecque existe à partir du moment où elle affirme son existence et son indépendance. Mais dans les faits, la reconnaissance de l'État grec est beaucoup plus tardive. Et en effet, ce n'est que quand le concert européen, sous cette influence, sous cette pression de cette gigantesque émotion internationale et ce gigantesque mouvement transnational qu'est le philhellénisme, va être obligé donc d'agir. Donc, dans un premier temps, on propose une autonomie qui va permettre à l'État grec de se construire, en fait, avec un gouvernement provisoire à partir donc de 1827, dirigé par un grec ancien ministre du Tsar, qui est Jean Capodistria, et dans une période où la France occupe le Péloponnèse, c'est ce qu'on appelle l'expédition militaire de Morée, qui est souvent considéré dans les commémorations comme un moment où la France aide à l'indépendance de la Grèce. En fait, la France, avec donc dans un contexte de international où le concert européen attend que les choses se calment, on ne cherche pas à ce moment-là à instaurer l'indépendance de la Grèce. C'est un état à questionner comme historien. Moi, j'ai formulé quelques hypothèses dont je ne suis pas encore sûre, mais dans cette période-là, la France occupe l'État grec. Alors, de façon, c'est une occupation amie, on va dire. La France aide l'État grec à se constituer, mais un État qui est en fait un État autonome, pas du tout indépendant, et qui est occupé par la France, et la France qui apparaît comme une puissance protectrice. On peut se demander dans quelle mesure il ne s'agit pas d'une espèce de forme de protectorat dans la période, dans l'Empire ottoman, comme ça pouvait se passer dans l'Empire ottoman, et que après l'indépendance officielle de la Grèce, la France tentera de développer dans un autre endroit de l'Empire ottoman avec les mêmes hommes qui s'appellent l'Algérie après 1830. En fait, l'indépendance, elle est décidée internationalement par les grandes puissances en février 1830. Elle n'est pas proclamée, les grandes puissances s'entendent entre elles parce qu'il y a eu cette guerre russo-ottomane dont parlait Hervé Mazurel, et l'Empire ottoman est écrasé par la Russie. Et tout d'un coup, la Grande-Bretagne, qui cherche vraiment à contenir l'influence russe sur l'Empire ottoman, se dit qu'il vaut mieux une Grèce libre qui échappe à l'influence ottomane, cette Grèce libre serait beaucoup plus facile à contrôler. Un véritable enjeu géopolitique, nous le saisissons bien. C'est en cela que cette histoire grecque au XIXe siècle nous parle vraiment, parce qu'il y a de l'histoire géopolitique, de l'histoire intellectuelle, de l'engagement humain. Hervé Mazurel, vous publiez à la découverte, hein, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur et métamorphose de la vie affective. Il y a quelque chose d'affectif dans cette histoire-là. C'est une histoire du sensible aussi, ces événements de la Grèce. C'est pas seulement politique. Oui, on parlait de sentiments, Philhélène, hein, et au fond, ce qui m'intéressait beaucoup dans le Philhélénisme, c'est qu'on pouvait écrire une histoire des émotions politiques. Hein, c'est une émotion, le Philhélénisme, c'est aussi une émotion des plus contagieuses, hein, et qui s'est jouée des frontières politiques, des frontières géopolitiques d'abord, hein, puisqu'il s'est répandu à travers tout l'espace occidental, mais aussi un sentiment philhélène qui s'est joué à certains égards des frontières sociales aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un mouvement qui est avant tout lié aux élites culturelles, avec une éducation classique, mais on retrouve dans les listes des souscriptions, par exemple, je pense au comité philhélénique de Paris, hein, de gens de toutes conditions qui donnent, hein, pour la Grèce, des simples artisans, des boutiquiers, etc., qui demandent des nouvelles de Grèce, qui participent de l'effort de mobilisation. Hein, donc c'est un mouvement qui a gagné, en quelque sorte, hein, une émotion qui a gagné des franges de la société auxquelles on ne pensait pas immédiatement. Hein. De même que dans le mouvement de volontariat, ce que j'ai étudié prioritairement, il y a d'anciens soldats napoléoniens, hein, qui n'arrivaient pas en quelque sorte à sortir du cercle de la guerre, qui avaient besoin de retrouver des lieux de combat, des étudiants, des médecins, des artistes, tout ça, mais aussi des gens très simples, hein, venant de milieux peu favorisés, qui sont partis se battre en Grèce auprès des Grecs pour des raisons qui sont un peu floues, hein, en quelque sorte. Une aventure humaine. Une aventure incarnée. Merci vivement à vous trois de nous avoir parlé de cette lutte des Grecs pour leur indépendance au XIXe siècle, de nous avoir évoqué ce mouvement Philhélène. Mais à 9h54, dans le cours de l'histoire sur France Culture, on ne file pas voir Hélène, mais Anaïs, c'est l'heure du journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Les lendemains de la Commune de Paris, un film d'animation diffusé ce soir sur France 3. Alors que l'on s'écharpe au Conseil de Paris sur l'ampleur des célébrations du 150e anniversaire de la Commune de Paris, que certains célèbrent sans modération alors que d'autres l'estiment négligeable au regard de l'histoire nationale, difficile de ne pas constater que cette commémoration n'est pas froide et que la mémoire de l'événement est bien active. C'est l'objet du film d'animation de Joris Clerté et Laure Godineau, La boîte noire, diffusé ce soir sur France 3. Un court-métrage d'animation poétique et cruel mais lumineux sur les spectres de cette révolution balayée qui ne cesse de vouloir sortir du placard.